même mauvais départ. Des coups de poing pour t'écrire une histoire. Et te voilà hors la loi. Ta vie a pris comme un chemin d'errance. Et s'il te reste une dernière chance, c'est ailleurs qu'elle s'offrira. Sur l'horizon passe tant de bateaux. Ils t'emporteront vers des mondes nouveaux. Pavillon noir aux rêves sans escale. Va où le vent t'oubliera. Va où le vent t'oubliera. Cette fille qui t'avait tant donné, cet amour fou que tu as méprisé, n'as-tu donc jamais aimé? Même l'amitié est une porte close. Tes trahisons ont brûlé tant de choses. Tout est à recommencer. Sur l'horizon passe tant de bateaux. Ils t'emporteront vers des mondes.